Voulez-vous me chanter un tango? C'est quel tango, monsieur? Oh, le jeune de Beugain. Allez-y, de la France. Écoutez ce tango, écoutez ce tango qui vous fait tourner autour de vos femmes, qui vous fait tourner autour de vos femmes. Le monde se demande qui les chante, oh ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Le monde se demande qui les chante, oh ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Et pourtant sur la montagne, habité par les ancêtres, qui prient pour ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Et pourtant sur la montagne, habité par les ancêtres, qui prient pour ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Montagne habitée par les ancêtres qui prient pour ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Et pourtant sur la montagne habitée par les ancêtres qui prient pour ces jeunes de Beugain. Ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Partout sont insultés, bandits, vagabonds. Écoutez leur chanson, ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Partout sont insultés, bandits, vagabonds. Écoutez leur chanson, ya ya ya ya.